نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. Une autre condition dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de se diriger vers la Qibla quand on a la capacité. Ça, il y a consensus entre tous les savants que c'est une obligation de se diriger vers la Qibla pour que la salat soit acceptée. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Karim: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. On voit que tu te lèves plusieurs fois le visage au ciel, on va te diriger vers une Qibla qui te satisfera, tourne ton visage en direction de Masjid al-Haram, c'est-à-dire Mecca, la Mecque. Pour les gens qui sont dans la mosquée, le Qibla, c'est qu'il faut que son corps en entier et son visage soient dirigés vers la Kaaba. Quand on est en dehors de la mosquée, à l'intérieur de la Mecque, et on voit la mosquée, il suffit de se diriger en direction de la mosquée sacrée. Et quand on est en dehors de la Mecque, en direction de la Mecque à peu près. Et la direction, ce n'est pas quelque chose de précis. Car le prophète Al-Islam, en parlant de Qibla, on a déjà dit que c'était détestable de faire ses besoins en direction de la Mecque, en lui donnant son dos ou bien en étant devant. Le prophète Al-Islam, il dit: ne faites pas vos besoins en direction de la Mecque, que ce soit vos petits ou vos grands besoins, mais tournez-vous plutôt vers l'est ou vers l'ouest. Donc ça prouve que pour les gens de Médine, la Qibla, ce n'était pas le sud. À partir du sud-est jusqu'au sud, c'est une Qibla. Ou à partir de l'ouest jusqu'au sud, donc tout ce qui est vers le sud, sud-est, sud-ouest, à peu près dans un angle de 45 degrés, c'est considéré comme Qibla. Ouais, c'est pour ça qu'Allah a dit Shatra al-Masjid al-Haram. Fawalli wujuhakum Shatra. Shatra al-Nahwa, à peu près. Ce n'est pas un endroit précis. Il y a certaines situations où ce n'est plus une condition de se mettre en direction de la Qibla. Le malade, par exemple, qui ne peut pas bouger, c'est le cas, il fait comme il peut, dans la direction dans laquelle il est, tout simplement. La personne aussi qui a cherché la Qibla, elle est dans un endroit, il ne sait pas où elle est la Qibla, il est en voyage. Et il a cherché à la trouver, avec les signes apparents, en demandant des musulmans. Et après, il a fait la salade vers la direction, et il s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne direction. Celui-là, son salade, elle est sahiha. Et il n'a pas besoin de la recommencer, même si, après cela, il se rend compte que la Qibla était dans un autre sens. C'est quoi la preuve de cela? Premièrement, le hadith d'Ibn Omar qu'on a cité auparavant. Quand il faisait son salat vers le chien, il était déjà révélé que la Qibla maintenant c'était Mecca. Mais pourtant, en pleine salat, ils se sont tournés vers Mecca et ils n'ont pas recommencé leur salat. Donc s'il est en pleine salat et il sait qu'il est en dehors, il n'est pas dans la bonne direction, il faut qu'il se tourne en pleine salat. Par exemple, on rentre à la mosquée. Quelqu'un qui ne connaît pas cette mosquée, il vient, il prie comme ça. Si quelqu'un entre, il le voit, qu'est-ce qu'il fait? En plein salat, il le tourne. Et lui, il doit se laisser faire, il ne doit pas résister. Hein? Il doit se laisser faire, il doit se sauver. Hein? Ou alors, s'il résiste, on lui dit, on peut lui parler, on lui dit, la Qibla est dans l'autre sens. Parce que des fois, il y en a, il ne comprend pas, il pense qu'il est en train de déranger dans le salat, il va dire, la shaytan, il va dire, quand c'est la shaytan, il va se mettre un coup. La preuve que celui qui a fini même la salat, et que même s'il se rend compte qu'il est encore dans l'heure, que il n'a pas besoin de refaire la salade, même s'il avait fait la salade dans un autre sens, c'est qu'une fois, les compagnons du prophète, alayhi salam, ça c'est un hadith rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith hassan, ils étaient en voyage dans la nuit, il y a eu des nuages, ils n'ont pas pu reconnaître la Qibla, parce que eux, comme vous savez, les Arabes, ils se basaient sur les étoiles, sur les astres pour connaître les directions. Ils n'ont pas pu savoir c'était où la Qibla, et le matin, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas fait la Qibla dans le bon sens, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas ordonné de recommencer, ils n'ont pas recommencé cette prière. Vous voyez? Si quelqu'un a peur de l'ennemi en pleine bataille, alors pour lui, il peut faire salat dans la condition dans laquelle il est. En pleine bataille, il combat et il fait salat yumi iman, avec sa tête ou avec ses yeux, il n'a pas besoin de se diriger القبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل الطلب فإنما هو التشديد والإشارة بالرأس quand ils sont plein combat ça y est ils sont mélangés en plein combat فإنما هو التكبير الذي fait juste le تكبير والإشارة بالرأس c'est juste le signe avec la tête et on sait qu'Allah tabarak wa ta'ala déjà nous a déjà parlé de cela حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا رجالا فالفجأة رجال alors pourquoi un homme l'appelle رجال parce qu'il marche en marchant en ركبانا ou sur la voiture quelqu'un qui est en voyage il peut faire les nawafil en dehors de la qibla ou en dehors de la qibla il est assis sur sa voiture dans son avion dans son bateau dans sa voiture ça c'est spécifique à la nawafil les prières surérogatoires en dehors des prières surérogatoires il a été rapporté dans plusieurs hadiths sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était en voyage il montait sur sa monture et il faisait la salat en direction de où se dirigeait de son chameau sauf les prières obligatoires il descendait de sa monture et il la faisait debout en direction de la qibla donc le sahih al-Bukhari Ali ibn Rabi'a a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des prières sur obligatoires alors qu'il était sur sa monture ou que sa monture se dirige mais je ne l'ai jamais vu faire cela pour une prière obligatoire. Sauf si une personne elle est par exemple dans un bus qui part au Bled, par exemple. Et il sait que ce bus il ne va pas s'arrêter. Il lui a dit s'arrêter pour ce temps-là, il a tout fait. Et il n'a pas besoin de la personne, elle se renseigne avant de prendre ce bus, avant de prendre ce car. Est-ce qu'il va s'arrêter au moins pour les Salawat? Oulala. Et s'il voit qu'il ne va pas s'arrêter, il prend dans un autre bus ou qu'il va s'arrêter pour Salawat. Maintenant, il s'est fait avoir, il s'est trompé. Il est monté dans ce bus. Et ce bus-là. Il ne veut pas s'arrêter pour son lawa. Il est parti le matin jusqu'à le matin, il ne s'arrête pas. Donc, le matin, comment il en fait? Alors, dans ce cas-là, il lui est permis de faire la prière assis. Il essaie de se diriger vers la qibla, assis, et il fait comme il peut, Inch'Allah. Mais sinon, si c'est lui qui conduit la voiture, ou bien il est avec des gens qui peut faire arrêter, il doit s'arrêter et faire la prière debout en direction de la qibla. S'il pleut, on cherche un endroit où il peut prendre tout simplement un endroit un peu couvert. Ou bien si la pluie n'est pas très forte, on peut prier même sous la pluie. Mais si vraiment il pleut très fort, il y a de la boue, et on va sortir de l'heure, et on ne trouvera aucun endroit couvert avant que l'heure est sorte, là on peut la faire assis. Et on va voir dans le cas voilà, dans les piliers de la prière, le qiyam, le fait de se mettre debout, c'est un pilier de la prière. De même dans l'avion et dans le train. C'est obligatoire de faire la prière debout. On ne t'a pas dit de la faire en jamaa, de prendre tout l'avion, faire une grande jamaa. Si tu te mets tout seul dans un coin au bout, tu fais ta prière, tu vas t'asseoir. Toi, tu n'as que deux rekats. Sauf si vraiment il ne te laisse pas. Dans ce cas-là, tu la fais à Tiwa. Mais normalement, tu dois la faire aussi. Une autre condition qu'on a dont on a parlé auparavant, c'est un niyyah. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Toutes les adorations, elles nécessitent une niyyah, intention. Et il y a donc ijma' sur cette question-là. Un niyyah, on va en parler un petit peu plus en détail. Parce qu'il y a plein de points dans le niyyah. Awwalan, tout le monde est d'accord pour dire que mahal al-niyyah, l'endroit de la niyyah, c'est le cœur. Non. De même, que si quelqu'un dit quelque chose avec sa langue et il a une autre niya dans son cœur, qui compte ce qu'il y a dans son cœur. Et de même, que le fait de dire à voix haute la niya, c'est une bid'ah, c'est une innovation. Ça n'est plus pas en islam de dire où sont les salats, où sont les jahras, ma'al imam, Uthman, Fimajid Moumani. La niya, c'est le calme. Même si tu le dis à voix basse, le fait de dire la niya avec sa langue, c'est une innovation dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, ni les tabi'in, ni les ulama, ils n'ont jamais fait le talafuz des niyyah. Ils n'ont jamais dit la niyyah avec la langue. La niyyah, c'est dans le cœur. Quand tu fais une salat, tu ne dis pas juste « Ah, je fais salat, allez, je fais salat ». Non, tu dois savoir quelle salat tu fais. Voilà. Mais ce n'est pas obligé de dire dans ton cœur, dans ta tête, « Oui, tiens, ou avec ta langue ». Non, juste tu sais dans ton cœur, « Là, je me lève pour salat de bonne foi. » C'est tout. Le fait de savoir ça dans ton cœur, ça suffit. كذلك pour une personne par exemple il est ma'moum et il a l'intention d'être munfarid par exemple tu fais ça derrière une personne et cette personne elle est trop longue dans la prière et toi quand vous allez aux toilettes on peut même pas là quand vous allez aux toilettes ça n'arrive pas tu sais que si t'attends tu pourras pas finir la prière tu mets ni à tête munfarid t'es dans le rang tu finis ta prière tout seul rapidement et tu vas aux toilettes de même tu fais ça derrière un imam. Tu rentres dans un endroit, tu ne connais pas cet endroit. Tu commences par là, cet imam-là, il ne sait même pas répéter la fatiha. Mais vraiment, il fait des fautes graves. Tu tu mets l'intention d'être seul, tu suis en même temps que la jama'a, mais tu fais ta prière tout seul. Tu finis en même temps que, tu fais tout en même temps que pour ne pas faire vite là, mais ta prière tu la fais tout seul. On va parler d'une autre masala, et c'est la famille avec l'imam ou le ma'moum. Par exemple, quand on fait nous, salat al-fariḍa, niyat al-dhuhr, l'imam, son intention c'est de faire la salat al-dhuhr. Le ma'moum, derrière, ils ont tous niyat de faire salat al-dhuhr. Sahih amna. Ça, il n'y a pas de khilaf sur ça. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est ça l'afdhu. Voilà tout. Est-ce que c'est permis quand on a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ مَا مَعْنَى ذَلِكَ هَلْ تَأْتَمُ بِهِ فِي ظَوَاهِرِ الْأُمُورِ وَفِي ظَوَاهِرِ أَوْ فِي ظَوَاهِرِ فَقَط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'imam a été fait pour être suivi. Donc certains ulama se sont basés sur ce hadith pour dire que tu dois le suivre dans les choses apparentes et dans le caché aussi. Si lui il a mis un peu de bon, tu dois obligatoirement avoir mis un peu de bon. Tu n'as pas le droit d'avoir une autre niya. Voilà, ça c'est la vie de l'imam Malik, rahimallah ou Abu Hanifa. Votre sahih, c'est que tu as le droit d'avoir une niya différente. Comment, pourquoi on dit ça? C'est la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré cela. Par exemple, quelqu'un qui fait une nafila derrière un mustarif, hadith al-Hidar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-Hidar. Il va venir un moment où les Oumara vont retarder l'heure de la prière jusqu'à un peu avant sa fin. Comme certains le disent par exemple, en Tunisie, toute l'année en bon, ils le font du temps en l'âme. Ça, le hadith du prophète Hassan qui a mis en garde contre ça. Il a dit qu'est-ce que tu feras avec ces gens-là? Abidar, il a dit qu'est-ce que je fais, Yara Soulallah. Il a dit toi, fais la prière à l'heure, au début de l'heure, vers les débuts de l'heure. Et si tu as, et va faire la prière avec eux, celle que tu fais avec eux, elle sera comptée comme Nafila. Donc là, l'imam il a mis à ton proche et le maqmoum il a mis à ton nafila. Donc, on a vu que c'était permis. Il y avait aussi dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière et quand il s'est retourné, il a trouvé deux personnes qui n'avaient pas prié avec eux. Il leur a dit à tous, vous êtes musulmans? Ils ont dit oui. Ils ont dit, pourquoi vous n'avez pas prié avec nous? Ils ont dit, on a prié chez nous, ya Rasulallah. Il a dit, si vous avez prié chez vous et vous venez vous trouver des musulmans priés en groupe, priez avec eux, elle vous sera comptée comme une prière. Donc ça, on a vu qu'il n'y avait pas de mal. Maintenant, on va faire le contraire. Toi, tu pries une prière obligatoire derrière quelqu'un qui fait une prière nafila. Il y a juste vous êtes. Il y a juste. C'est quoi la preuve de cela? Et ça, c'est rapporté dans son parle. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il prie la prière de l'Isha avec le prophète, alayhi salatu wa salam, pour gagner la récompense de Masjid al-Nabawi. Et pour gagner la récompense derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il retournait à son peuple, c'est lui qui présidait la prière de l'Isha. Lui mettait niyat al-Nafila et lui mettait niyat al-Fard, l'Isha. Une autre question. Tu rentres, nous on fait salat al-Asr et toi tu n'as pas encore fait le bon. Est-ce que tu peux rentrer du niyat al-Fard? Tu peux. Car c'est le même nom, c'est le même nom, nawa. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'esquilade. Toi tu mets niyat al-Asr, bon et lui, eux ils ont niyat al-Asr. Il y a même certains ulama qui disent que tu peux prier derrière l'imam une prière, par exemple, lui il fait le maghrib et toi tu n'as pas fait l'asr, tu peux prier derrière lui. Et quand il était assis, toi tu te lèves et tu finis ta rak'a. Voilà, une certaine ulama, ils croient que ce n'est pas une bonne chose de faire cela. Pourquoi? Ils disent parce que tu t'assis une autre fois dans ta prière, tu te seras assis une fois de plus sans raison valable. Par exemple, quelqu'un était endormi de l'échelle, il n'a pas fait exprès, il était endormi. Il arrive à la mosquée, la jama'a a fait salat al-subh. Il y a du jour, il y a du jour, il y a du jour. Quand l'imam dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il se lève et fait des rak'at. Kadhalika, la prière de l'muqim, khalf al-musafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec un pendant 18 nuits, il ne faisait que 2 rak'at. Et il leur disait finissez à 4 rak'at pour les gens de Mecca, car nous on est des voyageurs. Donc il n'y a pas de mal à faire cela. Il y a certains ulama qui voient que ce hadith il est daïf, mais la plupart des savants voient qu'il n'y a pas de mal à faire cela. Et en se basant aussi sur ce qu'on a dit auparavant, qu'il n'y avait pas de problème d'avoir une niya différente, donc il n'y a aucun problème. C'est idnillahi, tabaraka wa ta'ala. Kadhalika, il n'est pas une condition d'avoir la niya pour faire le qasr ou pour faire le jama. Par exemple, quelqu'un qui est en voyage, il n'a pas besoin d'avoir niya sur le qasr. Il est en voyage, il a cette permission de faire le qasr. Par exemple, si lui a commencé le salat, il a oublié de mettre l'attention qu'il allait faire le qasr. il n'est pas obligé de finir un tel hajj. Il peut diminuer. Parce qu'il est déjà en voyage, il a la permission de le faire. Kadhalik quel jama. Il n'a pas besoin d'avoir une niya pour faire le jama bien dans la tête. Sauf s'il va laisser la prière de bord, par exemple, sortir de son heure, il faut qu'il ait l'intention qu'il va la réunir avec la prochaine. Sinon, il aurait pu sortir ça là de son heure. Là. Il y a juste une. Quelqu'un est une certaine. Et il prie dans une mosquée avec les gens qui font 4-4. Celui-là, il est obligé de finir avec l'imam 4-4. Il ne fait pas de l'imam après, il attend que l'imam le fasse de l'imam après qu'il s'élève. Non. Donc là, l'imam, on est obligé de le suivre dans ses gestes apparents. Et là, dans ses gestes apparents, il rajoute deux autres 4. On le suit.